Bonsoir à tous. Il est 18h30, nous sommes le mercredi 14 février 2018. Nous voilà réunis autour des mêmes ondes, les ondes de la Saint-Guinguin. L'équipe de la Saint-Guinguin vous souhaite une belle Saint-Valentin. Nous vous accompagnerons pendant une heure autour d'une table de bouche en cœur et de micro pour vous raconter des histoires. Bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 1. Tonight on the ENS Saint-Guinguin. Kelly Downson, alias Zoé Kennedy, vous envoûte dans son décolleté culturel. Elle vous a concocté un programme délicieux pour fêter cette sainte soirée. And Jason Parker, alias Quentin Petit Duhal, vous présentera les œuvres érotiques de l'artiste Jeff Koons. And then the interview of the artist Amir Roti, presented by Brenda Kling Kling, alias Chloé Collin. But that's not all. Mandy Brown, aka Maître Mamou, vous emmènera sous le soleil de Cuba pour vous parler des artistes de l'exposition des détenus de Guantanamo. But I know it's never enough for you, son, so... Cissy Smith, alias Anaïs Schneider, est avec vous pour la chronique tant attendue des rendez-vous qui clochent. Puis Bradley Jones, alias Alexandre Cabaret, qui sort de sa galerie d'art dans les caves. Voici l'apôtre du Ground Effect, venu apporter la sainte parole autour de la table. And finally, for the first time on radio, Mike Peanuts. Mike le châtaignier, pour une chronique on ne peut plus absurde. That's tonight on La Saint-Guinguin. Et vous pouvez nous écouter sur la web radio transmission.org, ainsi qu'en podcast à toute heure de la journée, comme de la nuit. Oh baby. Bonjour Zoé. Alors cette semaine, tu nous ramènes du love en studio. Ah oui, du love, que du love. Kelly Dawson est là pour vous faire kiffer cette soirée de Saint-Valentin. Je voudrais moi aussi poser des questions. Je suis fou. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Si certains d'entre vous vont être couverts de fleurs et de cadeaux ce soir, d'autres ont peut-être prévu une soirée Bridget Jones à boire du vin solo en écoutant Céline Dion à fond. Quoi qu'il en soit, Love is in the air, et ce jour particulier m'a inspiré un petit guide de la Saint-Valentin un peu arty. Donc, si vous ne savez pas quoi offrir à votre dulciné ou que vous en avez marre d'entendre vos copines vous bassiner avec leur soirée planifiée de A à Z, pas de panique, puisqu'à la Saint-Guinguin, il y en a pour tous les goûts. Mes chers auditeurs, il est temps de déboucher votre plus bonne bouteille, de vous installer confortablement et de laisser l'amour vous envahir. Every Saturday morning, my daddy put it on. Turned up the TV, we danced alone. People was dancing, was in a groove. My daddy showed me just how to move. Amis célibataires, éteignez-moi ce téléfilm M6 déprimant et regardez plutôt à la place la série Summer of Love d'Heidi, branche mode et culture du groupe Vice. Depuis 2016, le magazine réalise plusieurs courts-métrages sur l'amour et la jeunesse, de Londres à Barcelone en passant par Paris ou encore New York. À travers des images poétiques, les protagonistes racontent leurs rencontres, parlent de leurs sentiments, des notions de fidélité, d'entraide, de dépendance, bref, de l'amour avec un grand A. On était en stand-by à côté, dans l'amour, dans un autre espace-temps, et puis il y a les gens qui foncent à côté, et nous en fait, on s'en fout, genre... Attention, pas question pour ces reportages de tomber dans le cliché. On peut y découvrir des couples à la sexualité diverse, des amis soudés, des lycéens fous l'un de l'autre ou des coups de foudre via Instagram. En somme, des histoires modernes et vraies auxquelles on s'identifie et qui nous rappellent que c'est bel et bien l'amour sous toutes ses formes qui nous maintient en vie. Bon, alors j'espère que cette série vous a remis du baume au cœur, puisqu'on va désormais parler cadeaux. J'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert sur un site de consommation que les cadeaux les plus plébiscités étaient dans l'ordre le parfum, les bijoux, les fleurs, les chocolats et les vêtements. Ah bon ? Navré de vous dire que sur un panel de 1504 personnes, seul 1% est intéressé par des cadeaux culturels. Ne vous étonnez pas si votre mec ne vous offre pas de toile de maître à l'italien du coin ce soir. Je me suis donc demandé s'il était possible de concilier cadeaux culturels et cadeaux classiques, histoire de duper un peu les sondages. Commençons donc dans l'ordre avec le parfum. Si vous en avez marre de payer un bras pour un flacon de 50 ml pour une fragrance que votre copine adore, mais où, on va se l'avouer, vous trouvez que ça pue, la bonne idée, c'est donc de l'initier à l'art olfactif. Car bien plus qu'un objet de séduction, le parfum s'élève aujourd'hui de plus en plus au rang d'art. C'était d'ailleurs le parti pris de Mathilde Laurent, née chez Cartier, qui concevait en octobre dernier un OSNI, soit objet sentant non identifié, exposé sur le parvis du Palais de Tokyo. Un nuage parfumé flottant dans une cage en verre qui prouvait que la performance artistique et le travail de composition d'un parfum pouvaient ne faire qu'un. Dans un tout autre style, l'exposition Nyotien à Tokyo expose quant à elle les pires odeurs du monde. Au cœur d'un grand magasin de la capitale nippone, il est en effet possible d'humer les doux fumets de hareng, de durian. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un fruit qui sent pue. Le fromage. Okay. Ou encore de personnes âgées. De quoi faire réfléchir votre relou de copine qui vous réclame un parfum hors de prix depuis des semaines. Que le parfum, eh ben, ça peut vite tourner. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleure que Lila. Qui suis-je ? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es plus jolie qu'une rose et tu sens meilleure que Lila. Autre grand classique donc, les fleurs. Des roses rouges efficaces aux fleurs des champs romantiques, vous êtes bloqué devant le fleuriste depuis une heure et ne savez pas comment faire votre choix. Eh bien, faites comme Jeff Koons et ne vous occupez absolument pas de l'avis de la personne destinée à recevoir votre cadeau. Le mot d'ordre de l'artiste américain, je fais ce qu'il me plaît et j'emmerde les autres. Ce grand romantique qui s'était déjà illustré par son immense sculpture en forme de cœur exposée à Versailles il y a déjà quelques années, n'a pas dit son dernier mot et, toujours aussi généreux, a décidé d'offrir un bouquet de tulipes à Paris, ville de l'amour par excellence. Prévu pour être installé entre le musée d'art moderne et le palais de Tokyo, l'œuvre en bronze, aluminium et acier de 33 tonnes ne fait pas vraiment l'unanimité. Alors, je ne vais pas m'étaler sur une installation qui est encore hypothétique, mais l'important, c'est que les fleurs de Koons sont un véritable objet de discorde. Entre évocation des attentats, dépréciation de l'architecture des deux centres culturels et personnalité excentrique de Koons, tout ce que l'on peut dire, c'est que même si vous achetez un bouquet moche, il ne fera jamais autant de bruit que celui-là. Pour les plus gourmands, souvenez-vous, lors de ma chronique sur Noël, je vous avais parlé des macarons de Marina Abramović, réalisés en collaboration avec la marque de chocolaterie La Durée. Il se trouve que cette œuvre particulière a été également conçue avec Crimart, une société visant à connecter art contemporain et sucre. Une idée originale qui a pourtant fait ses preuves puisque l'entreprise compte parmi ses artistes phares Maurizio Catalan, Leandro Erlich ou encore Teresita Fernandez. À l'occasion d'Art Basel 2016, le célèbre artiste égyptien Youssef Nabil prouvait qu'il n'y avait pas que les Ferrero dans la vie et présentait, toujours en collaboration avec Crimart, Arabian Happy Ending. Une exposition où l'on pouvait notamment trouver des guimauves dorées aux arômes aphrodisiaques visant à rappeler les inhibitions sexuelles du Moyen-Orient. Et puis allez, pour le plaisir, je vais rappeler une des performances gustatives d'Abramović données lors d'une soirée privée en 2010 au MoMA, où l'on pouvait déguster un moulage de ses lèvres à condition de placer des feuilles d'or sur sa propre bouche avant d'y goûter. Idée pour tous ceux dont les compagnons ont des goûts de luxe. Et pour ceux qui vont fêter ça avec des fashionistas, ou pour les fashionistas célibataires qui ne savent pas faire de choix entre fringues et œuvres d'art, ne vous en faites pas, les grandes marques ont pensé à vous. À condition d'avoir le portefeuille adéquat, j'avoue. Bon alors, on plaisante souvent sur la collaboration Louis Vuitton et Koons, donc je vais passer là-dessus. Oh, mais les artistes ont également inspiré d'autres grands couturiers. Lors du défilé printemps-été de 2017 de Schiaparelli, on retrouvait par exemple le célèbre homard de Dali en imprimé sur l'une des robes de la collection. Du côté de Versace, c'est le pop art qui a inspiré la collection printemps-été 2018, puisqu'on retrouve le visage en technicolor de Marilyn, décliné en sac, en robe et même en chaussettes. Pour les plus petites bourses, le géant suédois H&M s'est associé cette année au Musée des Arts Décoratifs pour une collection et une exposition inspirée du minimalisme japonais, en boutique à partir du 28 février. Alors après ces précieux conseils, je vous souhaite donc une excellente soirée et une excellente nuit, seule ou accompagnée, à deux, à trois ou plus si affinité, mais toujours sous le signe de l'amour et bien sûr de l'art. Merci Zoé pour cette belle chronique. Je pense que moi, mon petit coup de cœur dans ça reste quand même les macarons de Marina Abramović. Vraiment, écoutez combien déjà ? Plus de 800 euros, je crois que c'est ouais, ça. Bah ouais, il faut l'amour adéquat. Voilà. C'est toi la gold digger, en fait. Alors, maintenant, Quentin. Alors, Quentin, monsieur H.O.Q., pardon, notre critique d'art préféré, nous a concocté une chronique plutôt érotique. Oui, tout à fait. Un petit brin de paradis quelque peu sexuel. Parfait. Nous sommes le 14 février et ça fait 3 ans jour pour jour que j'ai visité l'exposition sur Jeff Koons au centre Pompidou. Je me rappelle, j'étais en compagnie de ma petite nièce qui venait tout juste d'avoir 18 ans, âge nécessaire pour rentrer dans le paradis sexuel du Koons. Dis tonton H.O.Q., ça change des autres œuvres de Jeff Koons. En quoi ça consiste le Made in Heaven ? Made in Heaven est une série de 26 œuvres de 1990 regroupant peinture, photographie, sculpture en marbre, en bois et en verre. Alliant kitsch et érotisme, elle représente Jeff Koons avec, ou plutôt à l'intérieur, d'Ilona Steller, dit la Cicciolina. C'est une ancienne star italienne du porno qui est devenue députée du Parti radical de Rome. Ils ont été mariés pendant 3 ans et ont eu un enfant qui a été le sujet d'une longue bataille juridique et de 2 enlèvements pour savoir lequel des deux parents allait vivre avec. Ces œuvres, dont les titres font directement référence à la pornographie, comme Position 3, Jeff Eating Ilona, Blowjob. Ils ont beaucoup fait scandale au point que les États-Unis ont refusé le visa de la Cicciolina au nom de la morale. Elles sont encore à chaque exposition interdites à un certain âge, comme tu peux le voir. Mais comment a-t-il transformé la pornographie en art ? Koons réinvente le mythe du sexe en détournant les anciens pour les réadapter à la société médiatique actuelle. Il reprend ses prédécesseurs, examinant la place de la sexualité comme dans la culture visuelle, pour faire encore plus cru. Par exemple, dans une photo intitulée « Manet », il évoque à la fois le déjeuner sur l'herbe, mais aussi l'origine du monde de Courbet. L'histoire de l'art du sexe féminin se retrouve littéralement ici culbutée, embrassée par Koons. Pour la série, il reprend les photographes et les décors habituels de la Cicciolina pour créer une esthétique proche de l'imagerie glamour. C'est un décor représentant un ciel dans un ton féerique, avec des fleurs qui sont des motifs qui suggèrent le sexe de la femme. C'est donc une sorte de paradis, un monde pur, dans lequel se tient un Adam et une Ève contemporains. Ici, innocence et péché se côtoient. L'artiste remet en cause le principe de faute originelle. Lui et la Cicciolina n'ont aucune honte et n'ont pas peur, ce qui leur permettrait d'accéder à un plus haut niveau de spiritualité. Comment Koons conçoit-il sa démarche dans une société qui a du mal à accepter le sexe ? L'éducation chrétienne nous menace d'aller en enfer si, pour le dire d'une belle façon, on se laisse aller à la satisfaction de nos instincts. Lui, Koons, montre un désir pur non condamné qui est une nouvelle manière d'exprimer l'amour. Il nous dit que le paradis est là, ici et maintenant, et que l'homme peut tout faire. Il peut réussir sa vie comme un peu le rêve américain. Il annule alors la séparation de la philosophie antique entre le désir et le manque. D'ailleurs, les psychanalystes Deleuze et Guattari affirment que ce dernier ne vient pas du désir, mais de la représentation qui fonde le système social, religieux et politique. La Bible serait alors une de ces représentations, tout comme les classes dominantes qui créeraient le manque dans la production pour faire basculer tout le désir dans la peur de manquer. Ces classes nous tiendraient alors par cette peur afin de nous aliéner. Et ce n'est donc pas le désir qui fait de nous des consommateurs, mais bien le pouvoir qui modèle notre propre désir. Et cet art ne rejoint-il pas la volonté de vulgarisation pour une culture de masse ? Alors, il ne faut pas oublier que Koons est issu de cette culture américaine capitaliste d'après-guerre, où règnent communication et consommation. C'était un courtier à Wall Street qui a commencé sa carrière d'artiste à la fin des années 80, moment où la société et les médias changent leur regard sur les artistes, qui deviennent alors des célébrités à la Kesaring ou à la Basquiat. Kuntz, c'est justement que les consommateurs de pornographie sont plus nombreux que ceux de l'art contemporain. Et il va utiliser ces codes, ainsi que ceux de la publicité et des médias, auxquels les gens sont habitués, pour qu'ils puissent se retrouver dedans. L'artiste va élever en quelque sorte le marketing à la dimension d'œuvre d'art. Et il affirme lui-même le pouvoir des images. Selon l'artiste, le luxe peut avilir les hommes et leur prendre leur pouvoir économique et politique. Et c'est alors une sorte de séduction qu'il va exercer sur le collectionneur. Donc Kuntz a un double discours. D'un côté, il dénonce la soumission de l'image et de l'autre, il s'en sert. Mais surtout, l'artiste suggère une définition de l'art plus grande en défiant le goût artistique et ses conventions. Et n'oubliez pas, à chaque œuvre, son explication. Merci beaucoup, Quentin. Merci pour cette explication de Kuntz. Et je pense que Kuntz a quand même une très, très belle collection. C'est un grand amoureux de l'art. Et même si, bon, j'aimerais bien que peut-être un jour, il fera une fondation avec toute sa collection, qui est assez éclectique et qui est notamment très érotique. Oui, c'est vrai. Ça serait vraiment super, surtout que toutes ses œuvres ont été quasiment tous achetées par des collectionneurs privés. Ouais. Et... Enfin, vaut mieux qu'il fasse ça avant qu'il ne meure, parce que ça risque d'être un peu plus compliqué après. Nous allons maintenant désormais passer à la chronique L'écume des œuvres. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. L'écume des œuvres, une interview de Chloé Collin. Graver son amour, son nom, une date sur le mur d'un édifice. Ce vandalisme ne s'expliquerait pas par le seul besoin de destruction. J'y vois plutôt l'instinct de survie de tous ceux qui ne peuvent dresser ni pyramides et cathédrales pour laisser leur nom à la postérité. Voilà ce qu'écrit Brassai dans son livre Graffiti en 1961. L'artiste que nous accueillons aujourd'hui dresse des cathédrales à sa manière, avec son vandalisme poétique. Initialement tailleur de pierre, puis sculpteur, Pierre-Amir Sasson ou Roti peint dans la rue depuis son adolescence. Il utilise les outils traditionnels du graffiti pour réaliser des fresques oniriques. Son style proche de la gravure, inspiré du symbolisme de l'architecture gothique, mais aussi des grands mythes. Il explore dans son travail in situ l'impact d'autres matériaux tels que le marbre, faisant voyager les regardeurs dans l'espace et dans le temps. Ce jeune artiste plasticien, trentaine florissante, a commencé à investir l'espace public en peignant des fresques illégalement. La beauté de ses fresques et de son travail de sculpteur lapidaire est envoûtante. Il a restauré des ouvrages tels que la Tour Saint-Jacques ou la cathédrale Saint-Jean, mais il a aussi installé une sculpture de 5 tonnes en marbre à Kiev lors de la Révolution. Sur une place, tel un graffeur, il pose son œuvre de manière vandale en observant les réactions du public. Mais si l'artiste sculpte et tatoue les murs de la ville, c'est aussi sur la peau humaine qu'il trouve son inspiration. Cela fait plusieurs années que Roti dessine son univers sur la peau des gens ad vitam aeternam. Il est le bienvenu sur les ongles de la Saint-Valentin et dans le thème de la Saint-Valentin, puisque l'an dernier, il a présenté sa sculpture lors d'une performance théâtrale et musicale à l'église Saint-Méry. C'était un bloc de marbre incroyable, une sculpture onirique et poignante représentant le mythe d'Orphée, le symbole du dévouement à l'amour. Alors, l'interview sera coupé en deux parties. Il y aura d'abord la partie sainte et la partie glinglin. Alors, bonjour Roti. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ben, très bien, merci. Merci. Alors, première question, voilà, lorsque tu poses une de tes œuvres dans un lieu, on peut apercevoir une volonté de réharmonisation du lieu qu'elle occupe. Est-ce que tu as une volonté, est-ce que c'est une volonté d'apporter la paix comme un symbole de la paix au travers de ton art ? Oui, oui, complètement. Ben, C'est une démarche saine. Je pense que la paix doit être protégée, entretenue, développée. C'est un axe de travail qui est beaucoup plus intéressant comparé à celui de la haine. Voilà. Et en ce moment, par rapport à cette idée de la paix, et par rapport à tout ce que tu as vécu avant et ce que tu as apporté avant, qu'est-ce que tu aimerais apporter en ce moment ? Dans quel mood tu es en ce moment par rapport à ça ? C'est une bonne question. Je suis un peu dans une période de latence à en fait essayer de comprendre comment le système actuel se, se revigore, quoi, se recrée, parce que on, voilà, on est tous à envoyer des mails au quotidien. Il y a des choses qui sont en place et qui sont adjugées actuellement qui n'existaient pas il n'y a même pas 5 ans en arrière. Donc voilà, quand on bosse avec des matières qui viennent de mère nature comme la pierre, ben, tout ça, on n'en a pas besoin au final pour arriver à quelque chose de réel et de concret. Et donc c'est à l'homme de s'adapter entre le système actuel et... et la matière pour essayer d'arriver à continuer à créer justement avec ce que la nature nous offre. Et justement, en parlant de la sculpture, parce que là, on a eu des chroniques et puis on en aura d'autres qui sont très contemporaines, axées art contemporain. Comment tu situes la sculpture en ce moment dans l'art contemporain ? Est-ce que tu trouves pas que justement, cette, surtout la sculpture du marbre, c'est, enfin, on est un peu à une ère où voilà, c'est presque sacré, quoi. Ouais, il y a plus grand chose qui se fait en marbre. Enfin, je trouve qu'on vit par rapport à la sculpture une période assez folle parce qu'il y a des choses très proches de, enfin, du monumental complètement fou. Voilà, on parlait de Kunz tout à l'heure. Il y a Hearst là qui fait des trucs de plus en plus fous, mais ça reste de la représentation puissante. Ça reste de la Il n'y a plus forcément de place en fait dans la sculpture proprement dite pour les petits esprits, quoi. Ça reste des gens qui sont qui ont envie de gros, qui ouais, ont ou qu'on de... commençait en fait d'une manière assez forte, plus axée sur un marché privé spéculatif à outrance, et puis qui se retrouvent à devoir blanchir, puis au bout d'un moment, bon ben, ils en arrivent au bout de peut-être 20 ans de carrière à devoir se confronter à la matière qu'est le marbre, et c'est ce qu'il y a d'ultime en sculpture, justement, et pour blanchir et pour laisser sa place dans une génération. Et c'est plus du tout la logique qui a été développée pour des dizaines de générations auparavant. C'est-à-dire qu'on prend un mec comme Michel-Ange, c'était un fils de carrier complètement prolo. Voilà, qui sortait de nulle part, probablement autiste jusqu'au bout des ongles, et puis il a été révélé, certes par le pouvoir, mais il a été révélé de cette manière-là. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui est arrivé avec, je sais pas, 100 000 balles à investir à l'âge de 20 ans, et puis qui a dit bon bah moi je vais faire ça. Puis disons que l'art contemporain a transformé le marbre comme produit, alors que ça reste une matière sacrée. Et c'est important d'entretenir cette voie. Et comment est-ce que tu envisages de l'entretenir en tant qu'enfant issu de parents sculpteurs et qui est grandi justement dans cet univers, si je puis dire, sacré par rapport au marbre ? Oui, bah, d'une manière très simple, c'est qu'on a beau avoir tout le bif de la terre, il reste le savoir à acquérir. Donc, ce savoir-là, il faut le transmettre et c'est presque un devoir de le transmettre aux bonnes personnes. Et ce qui est très très beau dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas du tout de... Enfin, c'est une relation complètement méritocrate parce que ça reste une discipline extrêmement physique, extrêmement dure, et pour le corps et pour l'esprit. Et donc, il n'y a pas forcément... on ne peut pas le distribuer comme ça. C'est les gens qui viennent à toi, en fait... qui sont prêts à le recevoir, qui vont plus ou moins passer des caps dans leur tête. Et puis, on parle de niveau de concentration, et puis c'est eux qui vont pouvoir le récupérer et puis le retransmettre à leur tour, tout simplement. Donc on retrouve un peu cette idée de corporation, comme il y avait dans la Renaissance, etc. Disons que ce n'est pas un art qui s'apprend comme d'autres arts. C'est vraiment... Non, il y a vraiment un rapport au temps, à l'humilité. Ben, en fait, il y a un rapport à la paix, quoi, tout simplement. Il faut bien comprendre la chose. Si tu regardes l'arrivée d'un courant comme le gothique ou même le roman ou même l'arrivée de la Renaissance italienne, du point de vue d'un lapidaire, quoi, de quelqu'un qui travaille la pierre, tu le vois à l'envers, en fait. Tu vois, par exemple, ce qui est vachement intéressant avec le gothique, c'est qu'il est arrivé comme le graffiti à l'heure actuelle, mais vraiment dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'a pas été créé pour le système en soi. Il a été imposé par les corporations de tailleurs de pierre qui commençaient à avoir suffisamment d'indépendance à la fin du roman pour être revendicateur d'une liberté, d'une certaine anarchie, d'une certaine autogestion sur la construction d'un bâtiment ecclésiastique, en l'occurrence une église ou une cathédrale. Et puis, ils ont imposé un style au fur et à mesure, étape par étape, d'une manière très lente, tout de même d'une manière imposée. Et le gothique est arrivé comme ça. Et justement, il a été appelé de ce terme-là, gothique, parce que c'était vu comme barbare, quoi. Et maintenant, c'est clairement la référence de notre belle France. Le premier à exporter le gothique français, ça reste Disney, quoi. Il y en a partout. Enfin, je sais pas, c'est intéressant. Et tout ça, ça vient clairement de cette autogestion du bas peuple qui a rien à faire. Et puis, au lieu de s'entreturer, enfin, ou de tomber dans le crime, conséquence de la testostérone, tu leur fais taper sur un bout de caillou, puis ça les détend, et puis. Et puis tu les empiles, puis à la fin, ça fait un bâtiment. Et puis voilà. Et puis, en plus, ce qui est marrant aussi avec cette arrivée du gothique en question, c'est que une église, c'est pas une église, quoi. C'est une MJC, c'est un centre commercial, c'est un hôpital. C'est le seul bâtiment en dur qui va pas cramer dans n'importe quel attroupement de personnes suffisamment conséquent pour pouvoir... poser des bases pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'épidémie qui se mette en place. Beaucoup d'églises ont été bâties sur des sources d'eau potable aussi. La religion est derrière tout ça, certes. Mais il y a un rapport super pragmatique qui est important à comprendre et puis à apprécier, parce que ça permet de comprendre comment la société occidentale, judéo-chrétienne, s'est construite et puis va devoir évoluer. Et puis je pense que quand on en arrive à une situation où, au final, les gens vont méditer dans des centres commerciaux avec des grosses enseignes Carrefour, je ne sais pas quoi d'autre, et qu'ils en arrivent à acheter des produits qu'ils n'ont même pas connus autrement qu'en regardant une page Facebook, faut peut-être ralentir le process, quoi. Enfin, y a un moment où il faut aussi comprendre que tout ce système-là, il vient juste d'arriver, c'est tout neuf. Faut pas rester aliéné par ça et puis s'ouvrir au reste, quoi. Voilà. Et si tu devais t'expliquer tout à l'heure qu'il y avait un style, le style gothique, un style propre à une époque, en ce moment, du coup, on serait dans quel style au niveau de la sculpture, je parle. À l'heure actuelle. Un style qui justement aurait peut-être autant d'envergure que. Écoute, il n'y a pas... Enfin, ce qui est marrant, par exemple, dans le marbre, il y a un renouveau là depuis 5-6 ans. Okay. Alors, on n'est pas beaucoup. Franchement, on n'est pas beaucoup, mais il y en a. Donc, le pionnier de tout ça, celui qui a vraiment relancé la machine, c'est Fabio Viale, qui est vraiment un punk... Italien. Punk italien, qui a pas mal traîné du côté de Londres, et puis qui a vraiment une démarche... posé basique, en fait. C'est pas un artiste contemporain qui va élucubrer à outrance. Lui, il a vraiment été séduit par ce rapport à l'autogestion que le marbre apportait. C'est-à-dire qu'un atelier de marbre, de sculpture sur marbre, c'est un peu le nec plus ultra en termes d'installation, de paix et de l'harmonisation. Mais il faut quand même le faire démarrer, l'entretenir, etc. Donc, grosso modo, il a utilisé le prétexte que tu avais beaucoup d'ateliers en Italie maintenant, avec des anciens, quoi, des vieux de la vieille, des vieux artisans, qui en étaient en fait à produire des faux antiques à la chaîne pour les musées italiens, quoi. Okay. C'est-à-dire qu'ils en sont même arrivés à spécialiser dans les patines, etc. Donc, du coup, c'est un art aussi, la copie. Et le... Mais là, c'est de la copie concrète. Ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'il y a suffisamment de budget pour pouvoir commander un faux marbre qui va être dans un musée. Alors, va savoir où va se retrouver le vrai marbre, je ne sais pas, mais ça serait aussi intéressant de tracer ça. Et récemment, tu as eu des problèmes, avec notamment le Nanterre, le projet Non, mais c'est vrai, il faut en parler. C'est un vrai problème, je pense. Ouais. L'Université Nanterre, en fait, avait fait un projet avec, avec le musée du Louvre pour la Nuit des idées. Et 6 ou 7 artistes devaient collaborer, devaient investir les murs de la fac. Et Roty avait eu cette idée de faire une sculpture qui, je pense, aurait été bénite à la fac. Et en fait, tu as eu des problèmes d'investissement, mais en fait, je pense que ce problème pointe du doigt un gros problème en France, qui est le fait que l'institution a du mal à faire débloquer les machines pour payer ce genre de... Alors, oui, ou même... En fait, moi, je ne mettrais même pas le doigt sur l'institution. C'est okay. De se dire que l'histoire de ce process par rapport à... Enfin, du process de la création de la sculpture est super intéressant parce que ce qu'il faut comprendre avec la pierre, c'est qu'en gros, la pierre, elle est partout pareil autour de la planète, mais l'histoire d'une sculpture, elle va dépendre du système en question, quoi, dans lequel on est instauré. Et la France a un système très particulier qui n'est pas forcément le plus rapide. Ouais, c'est ça. Et on est à mi-chemin entre un système pseudo-communiste où on laisse une place à un grand chef qui va créer des institutions, etc. Puis un système libéral de consommation, etc. Je pense qu'il n'y a pas un qui a le poids sur l'autre au final. Okay. Voilà. Et là, ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait le soutien de l'institution. Oui, c'est vrai. Et des deux d'ailleurs, de l'université et du Louvre. Et du Louvre. Mais là où ça a coincé, c'est du côté libéral. C'est-à-dire que. Mais à savoir que ce côté libéral, il est encore relatif par rapport au milieu pierreux parce que il y a un monopole qui est pris par un système qui est une omerta inavouée qui s'appelle le compagnonnage, quoi. Donc c'est des voilà, okay. Et qui est clairement en fait une corporation autogérée d'une manière presque soviète, hein, en fait. Mm-hmm. Même si ça l'est pas, mais il y a un rapport au communisme ou en tout cas au corporationnisme qui est suffisamment fort pour dire que ouais, c'est autogéré comme un système communiste. Et c'est eux qui ont ralenti le process en disant que ce n'était pas possible. C'est-à-dire que si on arrivait avec ce budget-là, ce n'était pas possible et que ce n'était pas bien pour moi en tant qu'artiste. Okay. Alors, et après, là-dedans, il y a encore des histoires familiales, donc personnelles. Ouais. Parce qu'on est dans des copinages français et c'est fou, hein, c'est vraiment c'est vraiment un univers. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant d'en parler là, parce que c'est un univers qu'on voit peu en histoire de l'art. C'est un univers qui est très très intime, voire fermé. Et toi, t'es là pour nous en parler et pour un peu dépoussiérer tout ça, parce que parce que c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire, ouais. Moi, je me retrouve à avoir des petits jeunes. Des petits tailleurs de pierre, des petits sculpteurs, des petits jeunes qui sont vraiment attirés par la sculpture et puis ils n'ont pas de taf. Donc ils sortent. Parce que justement, c'est. Parce qu'en fait, on se retrouve à être dirigé par exemple par des anciens qui ont la cinquantaine, qui ont la main mise sur les institutions privées pierreuses et qui ne savent pas envoyer un mail dans la minute. Et ou qui n'ont jamais voulu s'inscrire sur Facebook ou ouvrir un compte Instagram ou ne serait-ce que comprendre comment le web fonctionnait pour pouvoir avoir un site en place, etc. Ou alors, s'ils l'ont fait, c'était par amateurisme. Mais ils n'en ont jamais eu besoin parce que, si tu veux, changer un caillou sur une tour de cathédrale, et ben c'est l'État qui va te passer commande. Donc il y a un certain confort sur lequel ils se sont reposés. Et ce qui est très drôle, c'est que en parallèle, tout l'argent institutionnel, notamment de la restauration monuments historiques, etc., etc., il a clairement fondu en une dizaine d'années. Et du coup, le système pierreux est super ralenti. Il y a les petits jeunes qui veulent bosser. Ils n'ont pas le droit de bosser. Mmh. Donc, il n'y a plus rien qui se passe. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais faire là en ce moment? Est-ce que tu as des projets par rapport à ça en tant qu'artiste, de désengorger un peu tout ça ou... Clairement. Moi, je me retrouve au milieu d'une fourmilière et puis j'arrive à être un peu le diplomate de chaque génération, de chaque pays, de chaque bord politique aussi, au sein même de la Corporation des tailleurs de pierre. Et puis, Bah, j'essaye de trouver un moyen de relancer la machine tranquillement, sans prétention. Parce que la pierre est là. La pierre est là, elle est là, elle est extraite. Enfin, imagine. On n'est pas en carence, j'allais dire. On n'est pas en manque de pierre. Non, même. Genre, le matériel est là et vous avez de quoi travailler. Dans Paname même, genre, là, il y a un stock de 20 tonnes. Okay. Ce qui est complètement fou. Il y a un stock de 20 tonnes à la ruche qui dort depuis 10 ans, qui appartenait à Tarabella et qui est décédé il y a 12 ans de maintenant. Et donc, ils attendent de trouver le bon algorithme pour passer un stock de 20 tonnes. Et ça, c'est juste un stock dans Paris Intramuros. Ouais. Donc, en fait, les blocs, ils sont un peu partout, quoi. Et même le truc super drôle, c'est que la mairie de Paris, maintenant, utilise des blocs de pierre tendre pour empêcher les migrants syriens, tu vois, de pouvoir s'installer en campement, notamment Porte de la Chapelle, enfin dans le nord de Paname. Ouais, ouais. Donc, et d'ailleurs, pour la petite affaire, il y avait eu un groupement de tailleurs de pierre un peu trop babacool à mon goût, parce que j'estime que quand tu fais un événement pour les migrants, tu fais quelque chose de constructif. Mmh. Et puis là, ils se sont retrouvés à débarquer, à les graver amour, égalité, fraternité, je sais pas quoi, tu vois, sur des blocs en question. Sur les blocs de marbre. C'est pas du marbre, c'est du calcaire. Okay, quoi, mais bon, au moins, ils sont organisés, ils ont fait le truc, etc. Mais. C'était juste à la veille des élections, puis au final, la mairie de Paris qui a posé les blocs contre les migrants se retrouver à avoir l'adjointe à je sais pas quoi qui venait saluer la démarche en question. Puis ils ont juste gravé quelques noms sur des blocs de cailloux. Alors que voilà, si on en arrive en fait à donner le savoir en question, on peut même arriver avec un groupe, une espèce de chantier autogéré, puis arriver à créer un four à pain pour les migrants ou arriver à créer une bicoque en l'espace de 2 semaines. Sans trop de problèmes, quoi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont faisables. Après, et ça, justement, c'est ce à quoi, c'est là où t'aimerais apporter. Ouais, j'aimerais beaucoup arriver à faire en sorte que, quand je te parle de relancer la machine, c'est donner le savoir aux classes les plus basses, et puis faire en sorte que eux puissent monter tranquillement. Au sein du système français qui est quand même assez fermé et puis assez dur. Et parce que le truc qui est beau, c'est que si tu files le savoir à un réfugié syrien, par exemple, t'as un mec d'extrême droite qui sera là depuis toujours, limite qui aurait été dans la Légion, ouais. J'en sais rien, il aurait un rapport égal à cette personne-là. C'est-à-dire que si le petit Syrien il se retrouve à restaurer une cathédrale, à aller faire un réseau gothique hyper chiadé, dans les règles de l'art de notre bonne vieille France, il y a un rapport d'égalité qui va s'imposer entre les deux, et ils vont pouvoir enfin engager une conversation sans avoir à passer par le jugement et par la création de la paranoïa médiatique, quoi. Voilà. Donc à long terme, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça. Voilà. Et on te souhaite, et on va terminer sur ces belles paroles, le fait que justement tu veux désengorger la machine et arriver à refaire rendre le marbre et la sculpture, surtout ces lettres de noblesse qu'elles avaient avant, et donc enlever un peu tout ce qui se passe, pas enlever mais mettre un peu de côté tout ce qu'on voit dans la création contemporaine un peu bling bling et chic, et voir des vraies œuvres qui apportent quelque chose, aussi bien au niveau du travail qu'au niveau de l'espace public. Ouais, canaliser l'énergie vitale de la société, voilà. Nous allons maintenant passer à l'interview au moment glinglin. Et non, est-ce qu'il y en a des questions? Oui, oui. Moi j'avais juste une petite question ou remarque, ou je sais pas trop. Mais en fait, depuis tout à l'heure... toutes les réponses que tu apportes, c'est des réponses sociales à ta pratique. Et est-ce que tu penses que du coup, la dimension sociale des sculpteurs est peut-être plus forte que dans d'autres pratiques plastiques ? Oui, je pense, ouais. Parce que tu peux canaliser, notamment dans la pierre, tu peux canaliser n'importe quel... Dans le tatouage aussi. Le tatou, oui, certes, mais la pierre, tu peux autant faire bosser un mec qui a une trisomie 21 qu'un érudit. Tu as toutes les échelles de la société qui ont leur place. que voilà, se retrouver avec un autiste qui a besoin de polir du marbre pendant... Enfin, je dis ça c'est sans juger, quoi, mais il y a une paix au sein même de la pierre qui fait que ça pacifie, ouais, grave. Ça a une utilité super conséquente. Tout à l'heure, je te parlais du stock de Ventane à la Ruche. La Ruche, c'est les anciens ateliers d'Alfred Boucher. Et on en parle comme un squat d'artistes, mais en fait, c'était les ateliers de Boucher. Et Boucher, il prenait tout le monde qui venait. Et au moins, il leur donnait à bouffer, à loger. C'était une première étape de passage à Paname. Et tu pouvais avoir ta place dans un atelier de sculpture, au moins pour rentrer dans un réseau et puis après vivre ta vie. Ouais, c'est un peu moins élitiste que du coup d'autres pratiques. Non, c'est un boulot de chantier au final, mais dans un microcosme qui est plus confortable qu'un chantier lambda, voilà. Ok. Voilà. Ouais, t'es au sec et puis tu peux prendre le temps. Et moi, je voulais juste te demander si tu pensais que tu dis de remettre la machine en marche, voilà tout ça. Et surtout, moi, sur le travail de la pierre, c'est quand même une des premières matières que l'homme ait travaillé aussi. C'est peut-être ça qui la rend noble aussi. Est-ce que toi, ça, t'en as conscience ou pas dans tous les jours dans ton travail? Ça commence au silex. Bon, je parle pas du bois et tout ça, mais c'est quand même quelque chose de très... Ouais, c'est ça, ça. Mmh. C'est une des premières matières que l'homme ait jamais travaillé quand même. Tout à fait, et qui se travaille plus du tout, quasi. Ouais. Voilà. Parce que les moyens sont sur la virtualisation du monde. On essaie de faire en sorte qu'on vive dans l'illusion d'un jeu vidéo, quoi, grosso modo. Donc, en tout cas, d'un point de vue grande ville, de mon point, tout à fait. La pierre, en fait, elle a toujours eu sa place dans la société. Voilà. Même dans un... Enfin, même plus que ce que tu crois au final. Et puis c'est souvent grandiose ce qu'a fait la pierre. Moi, je pense au silex, par exemple, qui, pour la chasse. Après, je fais un énorme saut dans le temps. Mais par exemple, les cathédrales, c'est grandiose, c'est toujours. Système pyramidal. C'est toujours très. Souvent, t'as la base législative d'un pays ou d'une. Enfin, même pire, la base législative d'une civilisation. Qui s'inscrit une fois que la pierre est utilisée dans le bâti du pays, enfin de la civilisation en question. Quoi. Et ça ne m'étonne pas. Voilà. Ouais. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au moment glinglin. Donc, je vais juste poser trois questions parce que. Alors, Rôti, si tu devais avoir une de tes œuvres qui serait exposée quelque part, elle serait exposée où ? Dans un abri anti-atomique, je pense. Okay. Ouais. Ça va au super studio. Bien avec la musique Bugsby. Au studio, ici même. Ok, au studio, dans un bunker. Ok, voilà. D'accord. Ensuite, c'est quoi ton compte Instagram préféré ? Genre, si là, on devait en checker après le studio. Je crois qu'il y en a. Enfin, s'il y en a un, c'est un mec qui sort c'est un pêcheur en fait sur le lac Baïkal qui sort des poissons. Et en fait, il poste tous les poissons chelous qui. Mais il y en a, ils ont des dents, ils ont trois yeux, ils ont. Trop bien. Ils ont deux queues. Enfin, ça part dans tous les sens, quoi. Donc, je. Il s'appelle comment ? Je sais pas. Il a un vieux nom Rouskoff. Je sais pas. Voilà. Bon. Et est-ce que si tu pouvais collaborer avec un artiste, t'as pas de limite spatio-temporelle ? Ah. Même mort. Enfin, on le fait ressusciter pour un projet avec toi. Juste pour toi. Ok. Dure question. J'aurais bien voulu avoir une conversation avec Claudel, juste avant qu'elle soit internée, par exemple. Voilà. Après, collaborer avec elle, non, pas forcément. Mais... Ok. Ouais. Voilà. Ou sinon, non, peut-être Katsu. Un mec comme Katsu, ouais. J'aimerais bien collaborer avec lui. Ouais. Et le meilleur adjectif qu'on ait employé pour une de tes œuvres ou disons la plus belle critique qu'on ait fait ? Honnêtement, je ne sais pas. Et la pire ? La pire, on m'a dit que c'était trop académique. Ok. Voilà. Ce qui n'est pas forcément faux, mais en même temps, ça l'est parce qu'il y a des gens derrière, quoi. Voilà. Et une œuvre exposée qui resterait, qui serait là en 2220, si tu en devais en garder une. Ah. Une œuvre. Ça peut aussi être un tatouage. Hein, que... Non, même pas. En fait, ça serait un bout de silex. On en a parlé tout à l'heure, mais depuis gamin, en fait, je taille des bouts de silex pour me détendre. C'est un peu mes mots croisés. Personne ne le sait, hein, mais je garderai ça. C'est inédit à la 5 langues. Ouais, ouais. Un petit bout de silex de rôti. Ouais, grave. Je garderai ça, quoi. Pour aller chasser le sanglier. Merci beaucoup, Rôti. Merci pour toutes ces explications. On est rentrés, je pense, là tous dans un peu un moment intemporel. C'est ça, en fait, la pierre. Ça glace le temps. Ouais, mais c'est ça, le temps, en fait. Le temps proprement dit qu'on vit, c'est celui-là. C'est ce temps suspendu, quoi. Comment arriver à le suspendre au quotidien. Puis voilà, faut pas. C'est ce temps-là qui est constructif, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la chronique de Maître Mamou, c'est la chronique guacamole. Et on y va. Je vous demande de vous arrêter. Alors bonsoir Chloé, bonsoir la 5 Dinguin, bonsoir Rôti encore une fois. Alors moi, en honneur à notre remarquable survie de cette semaine dernière enneigée, j'ai décidé de vous emmener outre-Atlantique. On va aller faire un petit tour sur la côte cubaine, plus précisément. On fait d'abord escale à New York, où vous entrez avec moi au John Jay College, c'est une grande université de justice criminelle. Donc cet établissement s'est vu censurer une exposition tenue en ces lieux, offrant une sorte de visu des œuvres de détenus de la célèbre prison de Guantanamo. Alors je mets des guillemets assez colossaux, sur le mot « prison », car je me suis rendu compte en cherchant à droite à gauche que le manque de procès, même de procédure quelconque, rendait la chose assez délicate. On parle même de camp de Guantanamo, je vous invite à aller voir, même sur Wikipédia. Donc on parle pas de prison. On ne parle plus de prison, en fait. Okay. Sauf aux États-Unis. Donc voilà, en cherchant à droite à gauche, je suis tombée sur un rapport de l'American Civil Liberties Union qui nous décrit Guantanamo en chiffres. Alors Guantanamo en chiffres, c'est quoi? C'est une ouverture en janvier 2002. C'est 800 prisonniers originaires de 19 pays différents. Plus vertigineux que ces chiffres, seulement 10 d'entre eux purgent une peine post-procédure de la commission militaire. Encore pour ne pas dire que seulement 10 ont été entendus et jugés coupables. On arrivait à un point où, si votre nom de famille commençait par Ben quelque chose, dans l'avion et direction Cuba. Donc l'urgence les a rendus un peu aveugles, mais voilà, la cécité est toujours un peu là, quoi. Donc Obama, après Bush, il faut le reconnaître, commence à désengorger la baie, mais notre cher Donald met cette reconsidération en stand-by et laisse dans l'ombre 41 derniers prisonniers. Ces 41 hommes se voient leur proposer, via leur cours d'art dans l'enceinte du camp, d'exposer leurs œuvres sur le thème de la mer. Ironie palpable pour ces détenus qui la sentent, qui l'entendent, sans pour autant ne l'avoir jamais vue, car des bâches sont installées tout autour de la forteresse. En vérité, ils l'ont vue une fois pendant Katrina, en fait. Et ils ont enlevé les bâches parce que ça devenait très dangereux, et pour eux, et pour la sécurité de la prison en elle-même. C'est Alcatraz, quoi, en fait. Bah, c'est ouais c'est même ouais c'est fou de ouais, refaire ouais. ça alors que ça c'est déjà Alcatraz été fait, quoi. Sans procès sans... enfin vraiment ouais. c'est ça va faire du bruit je pense. Donc l'accueil de cette exposition en question est un immense succès en fait qui colle bien en plus à la justice criminelle du John Jay College jusqu'à ce que le Pentagone intervienne via le gouvernement je tiens à le préciser et réclame la propriété des œuvres. Donc des peintures sont vendues et le département de la Défense en veut clairement pour son argent. Quoi. Et effectivement, alors il a fallu même pas une semaine après le début de l'expo pour que M. Sacrison, porte-parole du Pentagone, pardon, annonce l'arrêt de sortie des œuvres de la dite prison en réclamant la propriété reliée à l'État. Donc le gouvernement Trump se rend compte un peu de la valeur des œuvres et peut-être même de la portée politique en fait. Je pense que c'est un bon coup de sang quand tous les médias en ont parlé assez vite. Donc le gouvernement les suspend pour mettre en place une procédure de récupération qui n'existait pas jusque-là. C'est ça qui est quand même assez hallucinant. C'est qu'il s'est rendu compte que oui, il y avait un problème au niveau de la propriété des œuvres, qu'il n'y avait rien pour changer la chose. Alors on arrête tout et on va aller créer cette espèce de procédure de récupération, quoi. En bref, les œuvres seront de nouveau déplaçables et vendables, je tiens à souligner vendables, lorsque le gouvernement sera sûr de pouvoir en récupérer la valeur. Et sur la portée politique, c'est complètement dingue. Et sur la portée politique, c'est un peu la panique parce que cet événement et ce saut de colère amènent beaucoup de questions sur le plan légal de ces incarcérations. Effectivement, il y a surtout une œuvre en particulier qui a retenu l'attention du public et des exposants. C'est l'œuvre de Monsieur Abdelaziz Ali avec son travail intitulé Vertigo à Guantanamo. Alors, je vous invite à aller voir ça. C'est très enfantin, voilà, en fait c'est ça, mais c'est comme un escargot géant avec plein de petits points de couleurs. C'est exactement ça, c'est un espèce de tunnel en perspective, une rentrée dans un tunnel avec dépeint par une série de points colorés que Monsieur Abdelaziz Ali a en fait fait pour refléter les paniques nocturnes. Okay. Qu'il a toujours du fait de plus d'un an de détention dans un des centres secrets de la CIA pour mener des interrogatoires substituer un peu de torture, quoi. Il y a un truc marrant que je me suis rendu compte en baladant sur le site, je vous mettrai le site sur l'Instagram de la Saint-Glinglin, c'est le site artfromguantanamo.com. et alors c'est marrant parce qu'on se rend compte que sur pas mal de travail il y a le Titanic qui revient. Et en fait, je me suis intéressée au Titanic. Et en fait, une des méthodes de torture de la CIA, enfin pas torture, mais une des méthodes lorsque vous êtes dans un des centres secrets de la CIA, c'est de vous passer Titanic en boucle de James Cameron. Et c'est marrant, entre guillemets, hein, c'est pas le mot, mais... De voir qu'ils sont beaucoup à reproduire le Titanic. Titanic ressort beaucoup. Donc voilà, donc c'est une affaire à suivre, sûrement dans les bouquins d'histoire d'ici... petite quarantaine d'années, j'espère. Peut-être même accompagnée d'une colonne d'excuses sur cette sombre et malheureuse partie de l'histoire américaine. Alors, petit Donald, toi qui écoutes la Saint-Glinglin le mercredi entre deux tweets, médisant sur ta cuvette en or, va voir la mer, mon cher, toi qui peux. Ça nous fera tous le plus grand des biens. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. Merci beaucoup, Maître Mamou. Nous allons désormais passer au rendez-vous qui cloche d'Anna. Alors Anna, tu nous as concocté quoi pour cette semaine ? Plein de bons rendez-vous, des rendez-vous du love, de l'amour. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est Raville. Et vous restez dîner ? Alors bonsoir à tous, mais surtout à toi, amoureux de l'art, amoureux de la vie, polyamoureux, amoureux.bar. En ce 14 février, fête des amoureux, je te propose de jouer le jeu et de te laisser porter par la fièvre commerciale, la Saint-Valentin. On s'en fiche que ce soit bullshit, je sais. Chaque année, tu te répètes, pour prouver mon amour, pas besoin de cette stupide fête. D'ailleurs, ce soir, j'irai voir le Real Madrid versus PSG à l'Irish Pub dégueu du coin, pour prouver à tous que ça ne me concerne guère. Eh bien, laisse-moi décortiquer, disséquer, m'introduire enfin dans ce cœur en mousse choco palpitant. Ma conclusion, tu rêves de ce magnifique ballon très kitsch by Hippopotamus, de pétales de rose dans ton bain, de son corps porcelaine recouvert d'une bière subtile, de lapage délicat par-ci par-là. Oui, soyons kitsch pour la Saint-Valentin, mais surtout, n'oublions pas d'aller nous cultiver. Alors ce soir, mercredi, le musée Rodin célèbre la Saint-Valentin en proposant une soirée love de 19h à 23h. Les amoureux seront conviés à une balade dans le musée et ses jardins. Avec le musée Rodin, toutefois, oublie les chocolats et nounours à message. Ici, l'amour se cultive dans la nuit. Dans une ambiance intime, tu seras envoûté par une musique jazzy. on te susurrera de la poésie et on t'éblouira avec de la sculpture, bien sûr. Petit throwback sur les amours de Rodin, nombreuses ont été ses conquêtes, Camille Claudel étant la plus célèbre d'entre elles. On imagine donc aisément les mains de Rodin plongées dans la terre glaise, inspirées par les histoires sensuelles qui occupaient son esprit. Au musée Rodin, ce soir, l'amour et l'érotisme se réinventent sur les courbes des sculptures. Jeudi, toujours du love. On se la joue moins télo contempo, mais plus floral et tropical. J'espère, cher auditeur, que tu aimes les fleurs et plus particulièrement les orchidées. Surprenante par sa forme, ses couleurs, son odeur, l'orchidée est à elle seule une œuvre végétale intemporelle. Les 1001 orchidées font leur retour pour une 6e édition dans les grandes serres du Jardin des Plantes du 8 février au 5 mars et sur le thème de la Colombie. J'annonce la couleur. Le mot orchidée vient du latin orchis avec l'influence du grec orchidion qui signifie testicule en référence à la forme des tubercules de certaines orchidées des régions tempérées. Je trouvais ça trop mignon, j'en étais sûre que ça allait faire. Ouais. J'en appelle donc désormais à ton oreille bienveillante. Offrir une orchidée témoigne d'une attention particulière portée à celui qui la reçoit. Sa signification est différente selon la couleur des fleurs. La bleue symbolise l'espoir, la blanche la pureté, la rose la tendresse, la jaune l'érotisme et la rouge le désir. À bon entendeur. Vendredi, trêve de niaiserie. Si je te dis Van Dogen et le bateau lavoir, ces deux noms t'évoquent sûrement l'effervescence artistique de la butte Montmartre au début du XXe siècle. Le quartier peuplé des famous comme Picasso ou Matisse, celui qui fut le cadre d'une véritable révolution picturale. Oui, oui, oui. Et au centre de ce mouvement, le bateau lavoir, vieille bâtisse en bois transformée en atelier d'artiste. Eh bien, le musée de Montmartre met en ce moment en lumière l'œuvre de Van Dogen et son rapport déterminant avec le bateau lavoir. Apollinaire disait à son égard, « Ce coloriste a le premier tiré de l'éclairage électrique, un éclat aigu. » Surnommé le Kropotkin, du bateau lavoir par Picasso et Van Dogen, était connu pour son côté anarchiste, côté reconnaissable dans sa peinture par des changements de style assez fréquents et soudains. Cela dit, tu pourras aussi admirer d'étoiles d'autres grands noms comme Picasso, Modigliani, Otto von Ries, et c'est jusqu'au mois d'août. Samedi, on se retrouve au pavillon Carré-Baudouin à Ménilmontant pour l'exposition Memo. Cette expo rend hommage au hip-hop à travers un parcours immersif. 5 salles, chacune ayant une énergie particulière. On y découvre des œuvres pluridisciplinaires qui invitent à se questionner sur une culture qui est de plus en plus reconnue comme un mouvement artistique majeur. Se pose naturellement la question de sa conservation. Notamment grâce à l'association Airstyle, l'objectif est de promouvoir les cultures urbaines à travers la France et dans le monde entier. L'exposition regorge d'images et de documents d'archives inédits, de clichés d'histoire qui abattent les clichés, une mixité tant disciplinaire qu'humaine à ne pas manquer. Bon à savoir aussi, des petites visites guidées sont prévues à 15h tous les samedis, pour ceux qui ne rigolent pas. Et ça se passe du 2 février au 31 mars 2018. Dimanche, let's go to Dada Africa, au musée de l'Orangerie. Je tire la sonnette d'alarme car ce sera la dernière occasion de la voir. Elle se termine le 19 février. Ah oui, on sait bon. Que le Dada... Ouais, ça, c'est lundi. Mmh. On sait que le Dada donc, a rejeté le monde de l'art du début du XXe siècle. Il fut créé en Allemagne durant la Première Guerre mondiale, qui s'est amusé des convenances bourgeoises et s'est tourné vers l'inattendu, c'est-à-dire la production artistique en dehors des sociétés occidentales. Les dadaïstes ont commencé à regarder et collectionner les œuvres d'art africaines, amérindiennes, asiatiques, synonymes pour eux de liberté car très éloignées de leur tradition. Ces œuvres aux formes exotiques, étranges, furent pour les dadas une nouvelle source d'inspiration et le fruit de performances insolites. Bon, malgré le colonialisme ambiant, je me dois de le dire hein, quand même. Cela dit, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un coup d'œil. Le musée présente une sélection des œuvres étrangères qui les ont inspirées aux côtés des œuvres dadaïstes signées Jean Harpe, Tristan Tzara, Man Ray, Picabia. On y découvre un art contestataire et original, notamment des danses, poésie sonore, poupées, marionnettes. Donc voilà, ce sera tout pour les expos qui clochent. Et là, je m'empresse d'aller retrouver tous les anti-Saint-Valentin à la diffusion du match en face. Et surtout, longue vie à l'art. Merci Anaïs. En voilà une chronique dada. Un petit être dadaïste est en direct avec nous ce soir. Voici Mike le Châtaignier. Et comme Phénomène Raven, où Marty McFly, il a voyagé dans l'espace spatio-temporel et s'est rendu sur le site de la Bourse du Commerce en 2019. Il nous a fait une chronique en live et c'est inédit, chers auditeurs glinglins. Il est près du chantier de la Fondation Pinault. Face à ce projet culturel historique, la coupole métallique classée au titre des monuments historiques fait actuellement l'objet d'une importante restauration des grandes peintures murales sur l'histoire du commerce, ainsi que le rétablissement du cadran solaire et de la fontaine de la colonne extérieure édifiée par Catherine de Médicis. Alors, la fondation accueillera plus de 3500 œuvres de l'un des plus grands collectionneurs d'art moderne et contemporain. Je vais vous parler aujourd'hui d'un truc. Allô, Mike. Ah oui. Merci beaucoup. Je vous rends l'antenne. Merci Mike pour cette belle chronique et grâce à toi on va savoir tout ce qui se passe à la Fondation Pinault. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous, chers auditeurs, ainsi qu'à l'artiste Amir Roti, mais ainsi qu'à toute l'équipe de la Sanglinglin. À notre chère Alison Williams, dit Naïd Lancieux, pour notre petite fée de la régie. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site transmission.org de la Sanglinglin et retrouver le travail de l'artiste Roti sur sa page Instagram. Et voilà, le contacter si, pour toute information. À très vite pour la prochaine émission.